Dossier 6. Livre page 79. Question A. Chantons, chantons, le soleil règne. Chantons, chantons, le soleil règne. Chantons, chantons, le soleil règne. Dans le lac, le cygne se baigne. Une araignée dans un grenier se peigne. Petit agneau mignon saute à la campagne. Joli ours blanc grogne à la montagne. Chantons, chantons, le soleil règne.